بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا قال في الحديث 66، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. Donc selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé une de ses femmes, ensuite il est sorti pour la salat sans faire l'eau. Apporté par Ahmed et affaibli par al-Bukhari. On a fait ida al-lafz, le mot ba'd. Ba'd, c'est un mot, c'est un love, mufrad, qadati bivana, al-jam. Souvent on traduit le mot bard par certains. Et bard, c'est une partie d'une chose. Par exemple, si tu as, mathalan, quatre personnes qui te parlent, quatre hommes qui te parlent. Takul ja'a arba'atu rijalin wa jalasa ba'duhum al-kursi. Ce sont des quatre, si tu dis, ça se trouve c'est un seul qui s'est assis sur la chaise. Quatre hommes sont venus, vous voyez, le bard là, c'est pas forcément dire que c'est trois ou deux, ça peut être un aussi parmi les quatre. Et l'un d'entre eux s'est assis sur la chaise, ou certains d'entre eux, vous voyez. Après, tu peux le savoir par les termes qui viennent après. Si c'est un terme moufrad, par exemple, dit Bardanas Yakoul, des fois ça peut être un qui a parlé, ou des fois c'est, on prend en considération le mot bard comme c'est un mot moufrad, alors le verbe il va en moufrad. Ça dépend. Il y a besoin de savoir qu'est-ce que le celui qui parle veut dire. Donc là, Qabbala Bardanisa Ihi, ce qui apparaît, c'est une de ses femmes. Allah Ta'ala alam. Tayyib. Donc la masala, là, c'est le fait de toucher une femme. Est-ce que c'est un aqid de rodo ou pas? Faqala, mas'alatun taqbil al-mar'ati wa lamsuha. Embrasser une femme ou la toucher? Il rapporte à différentes paroles d'un Nawawi, rahmallahu ta'ala, dans son char, d'un Muhazzab. Donc il dit, le khulasa, c'est que c'est aqwal. Le premier, c'est quoi? C'est que le fait de toucher une femme annule l'odo. Que ce soit juste un contact avec désir ou pas. Et parmi ceux qui ont dit ça, il y a Omar ibn Khattab. Parmi les sahabas qui ont ce rôle. Et Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Omar. Zayd ibn Aslam. Et d'autres. Et eux, leur preuve, c'est qawluhu ta'ala aw lamastumun nisa'a. Ici, vous avez touché une femme. Donc le deuxième qawl, deuxième parole, c'est que cela n'annule pas l'odo dans l'absolu. Que le contact de la femme n'annule pas l'odo dans l'absolu. C'est-à-dire ni tu es touché ni avec Shahawat ou pas. Ça, c'est l'une des paroles d'Ibn Abbas. Et d'autres. Et d'autres ulama. Et la preuve de ces ulama, c'est ce hadith-là qu'on a pris. Mais il est faible. Et également leur preuve, c'est le hadith de Aïcha, fi Sahih al-Muslim, annaha افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فتعسست فوقعت يدها على بطن قدميه والحديث في الصحيحين وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي متجعة في قبلته فإذا سجد غمز رجلها فقبضتها الحديث. Donc Aïcha, elle dit que dans la nuit, elle cherchait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en le cherchant, sa main est tombée sur son pied. C'est salat. Ça c'est un. Deuxième, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat alors qu'elle était allongée dans sa qibla. Et que lorsqu'il se prosternait et qu'il l'a touché, allongé ses pieds. C'est-à-dire qu'il l'a touché. En salat. Donc si c'était un enquête de l'odo, un match de l'odo, la salat aurait été annulée. Donc ça c'est un délit qawi. Et c'est quoi la réponse du verset? Eux ils ont répondu au verset Aoula Mastomunisa. Le sens de vous avez touché les femmes, c'est le jima, les rapports sexuels, qui évolue par le sens de Aoula Mastomunisa et que vous avez eu un rapport avec les femmes. Bien que à la base le contact en langue arabe, al moula amasa, hein, c'est un mot, c'est un terme général. Et là il y a des qara'in, il y a des indices qui indiquent justement que le sens voulu, qu'on doit faire un ta'wil, on interprète, on a des qara'in, on a des indices qui amènent à dire que al moula amasa, on a le contact, c'est ce qui est voulu, c'est le jima', les rapports. Et parmi les qara'in, c'est laquelle? Les hadiths qu'on vient de lire. Non. Donc après, troisième kaoul, que s'il touche la femme ou qu'il l'embrasse avec désir, alors ça annule son odo. Et sinon, non. D'accord? Le contact avec shahawat, avec désir. S'il nous parle de sauter, on le met parmi eux Malik. Et ils ont voulu quoi? Ils ont voulu rassembler entre eux les deux akwal précédents, les deux paroles précédentes, la première et la deuxième. Quatrième parole, que le fait de toucher la femme volontairement, délibérément, cela annule l'ozo. Sinon, non. Cinquième parole, que toucher une femme qui nous est permise n'annule pas l'ozo. Une femme qui nous est permise, comme par exemple les femmes de nos familles, ou nos épouses, ou des esclaves pour ceux qui en ont. Par contre, toucher une femme qui nous est interdite, ça annule l'ozo. Donc ça c'est les paroles les plus connues sur le sujet. Et la parole la plus forte, comme on l'a dit, c'est la deuxième. Que le fait de toucher une femme n'annule pas l'odo. Taïeb. Non. Après rapporter une parole importante, une grande faïda de Cheikh Al-Othaymin, par rapport au verset justement, Aoula Mastumun Nisa. D'ailleurs, cette parole-là, là, que toucher une femme n'annule pas l'odo, c'est la parole également des ulama contemporains, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Othaymin, Cheikh Mokbil et autres. Qui est le sens voulu par Moula Amasa, le contact, c'est le jima', rapport sexuel. Taïb. Cheikh Al-Othaymin, il dit à propos de la parole d'Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum mila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum lil marafiqi. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لِلْكَعْبَيْنِ. Ô vous qui avez cru, si vous accomplissez la salat, alors lavez vos visages, ainsi que vos deux mains, jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes, et lavez vos jambes, c'est-à-dire vos pieds, jusqu'aux chevilles. Donc là, il s'agit quoi de la purification avec l'eau? La purification de base avec l'eau. Et la purification de la pureté mineure. Al-Hadath al-Ashar. Et ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. Donc là, Cheikh Al-Fabi dit que là, c'est la purification avec l'eau de l'impureté majeure. Donc la première partie du verset, pour ce qui est, hein, le Hadath al-Ashar, avec l'eau. Et celle-là, c'est Al-Hadath al-Akbar. Al-Janabah, avec l'eau, comment se purifier. Après elle dit wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum min al-gha'it aw lamastum aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Donc il dit, si jamais vous êtes malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous vient des selles qui accomplit les besoins, ou que vous avez al-gha'it, là c'est les besoins, c'est les grands besoins. Al-gha'it, c'est les excréments. Ou que vous avez touché des femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites un tayammum. Comme ils disent, ablution sèche. Donc il dit, ce verset-là, il démontre deux choses. Comme il dit, Aoudjaa ahadukum min al-gha'it. Si l'un d'entre vous vient, on va dire, d'avoir accompli les besoins. Là, c'est pour démontrer quoi? L'impureté du hadith al-Asra. Il a auparavant il a ces deux versets. Les deux sont sur l'eau, basés avec l'eau, la purification avec l'eau, pour la grande impureté et la petite impureté. Mais n'ayez pas de l'impureté sèche, des ablutions sèches, qu'on appelle le tayammum. Et le verset vient pour indiquer les deux états de hadath, asrar ou akbar. Le asrar, c'est lequel, le mineur, c'est aoudjaa ahadukum min al-gha'it. Entre vous vient des selles. Taïe. Donc là, c'est pour démontrer l'impureté mineure. Tu fais le tayammum. Aoula mastumun nisa'a, ça c'est pour démontrer l'impureté majeure. El hadath et akbar. C'est-à-dire que c'est une preuve que le sens voulu par ce verset, c'est les rapports et non pas le contact. Quand même. Quand il dit, le verset justement est venu pour démontrer que le tayammum on peut le faire pour le hadith al-asrar ou akbar. Donc si jamais le fait de toucher une femme avait été min al-hadith al-asrar, impureté mineure, voilà, il n'y aurait pas d'intérêt de citer les deux. Et on n'aurait pas eu de bayen pour le hadith al-akbar. Alors qu'on a eu deux versets avant qui indiquent. Donc maintenant pour le tayammum, il nous faut aussi un verset qui indique qu'on peut faire le tayammum pour le hadith al-akbar. Donc c'est lequel des deux? Elle ra'it, les toilettes, non. Donc c'est l'autre. L'autre c'est quoi? La mastumunisa. Ça correspond également à ce que des sahaba ils ont dit. Kol de Ibn Abbas. Ahemt? Donc là c'est un istidbat, il n'est pas ouïdid. L'adduction du verset est très très forte. Mais il était précédé par cela chez Al-Faymin par Ibn Munzir, dans l'Awsat. Taïk. Ensuite. Donc là, le khulasa, c'est que toucher une femme n'annule pas l'eau, et le sens voulu par le verset, Aoulamas Tumunisa, c'est les rapports. L'âme. Après, il dit, Al-Hadithu al-Sabi wa Sittun, wa an Abi Hurayrata, radiallahu anhu, qal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha wajada ahadukum fi batnihi shay'a, fa ashkala alayhi, a kharaja minhu shay'un amla, فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم. Donc il dit selon le psaume 7e qu'il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un d'entre vous ressent son ventre quelque chose et qu'il ne sait pas si quelque chose est sorti ou pas de lui, c'est-à-dire un gaz, alors qu'il ne sorte pas du masjid tant qu'il n'a pas entendu un son ou qu'il a ressenti une odeur. Hadith rapporté par Muslim, donc, sahih. Et donc, ce hadith-là est parmi les preuves de cette règle qu'on a appris. Anna al-yaqin la yazulu bishak. Que la certitude ne saute pas par le doute. Donc, il dit, mas'alatun al-yaqinu la yazulu bishak. Que la certitude ne disparaît pas avec le doute. Après, c'était une parole de l'imam al-Nawawi, en ce genre de musulmans par rapport à cette règle. Démontrant que ce hadith est une base, un fondement, un osl dans la religion. On s'enterre dans ce sujet-là et dans bien d'autres sujets. Quand tu es sûr d'une chose, cette chose ne peut s'annuler que par une autre chose qui est sûre, et non pas par un doute. Après, il dit Mas'ala, Arih min nawaqid al-wudu. وكذلك البول والغائط. Que les gaz fait de péter, ça annule l'eau d'eau. Également l'urine et les excréments. Donc c'est ma'alouf. Donc là, ce hadith est une preuve pour rih, les gaz. Et attention, en arabe, il y a deux termes. Talfasha wa darat. Je ne sais plus c'est quoi les harakat. T'en as un, c'est le gaz bruyant, et l'autre c'est le silencieux. C'est différent en arabe. T'en as un qui fait du bruit, et t'en as un qui fait pas de bruit. Mais les deux, c'est un rire. Quand même, et les deux auront un sens différent. Là, ils ont un terme différent. Donc ce hadith est une preuve, d'accord, que les gaz sont des choses qui annulent l'ozon. Et pour ce qui est de l'urine, les excréments, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Aoudja ahadun minkum min el ra'it. Si l'un d'entre vous vient d'avoir. Il revient des selles. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'était ce qu'il y a de plus grand. Par exemple, les excréments, c'est quelque chose de plus lourd que l'urine. Mais l'un plus que l'autre. Parmi les preuves également, il y a le hadith qu'on a appris de Safwan ibn Asal dans les roufs, qu'on n'enlève pas les roufs hormis pour trois choses. Ra'it, baoul ou naoum. Les excréments, l'urine et le sommeil. Et ça, c'est Moujma'a alayhi. Ça, c'est connu. Il y a un portail d'Ibn Mundhir qui l'a dit qu'il y a Ajma'a ahlul ilmi ala anna khuruj arihi min ad-duburi hadathun yanqud al-wudu. Que les gens de science sont unanimes sur le fait que les gaz qui sortent de l'anus annulent l'odon. Mais également, il rapporte un autre ijma dans le Mughni de Mukudama sur les excréments faits d'aller aux toilettes. L'urine et les excréments également. Et également le mavi. Mais le mavi, il n'y a pas eu, on va dire, il n'y a pas eu ijma sur le mavi. Wa khuruj arih, les gaz, c'est-à-dire l'épée, mais les doubour, depuis l'anus. Que toutes ces choses-là annulent l'odo. Après, il dit Mas'alatun khuruj al-bawl wal ra'it min ghayri makhrajihima. Si jamais les excréments ou les urines sortent par autre que leur sortie initiale. C'est-à-dire, l'urine sort par autre que le pénis et que les excréments sortent par autre que l'anus. Bah, tu peux avoir ça. Par exemple, des gens, ils ont des sacs, ils sont malades, ils ont été blessés par exemple. Ils urinent. Si ils ont des tuyaux qui sortent des reins, par les sacs par exemple. Ça ne sort pas par pénis. Ou d'autres pareil, le contraire. Tu vois ? Il y a ça. Ça existe. Et c'est pas si rare que ça. T'as des gens, ils ont besoin de ça. Mathalan. Donc il dit que la plupart des savants voient que la sortie des deux annule l'odo. Qu'ils sortent de leur sortie initiale ou pas. Et ils ont pris comme preuve la généralité des hadiths précédents. Et les gens de Shafi'iyya, ils voient que si jamais cela sort en dessous des intestins, c'est-à-dire ça arrivait par les intestins jusqu'au bout, ça annule l'odo. Et si jamais c'est par au-dessus, ça annule pas l'odo. Et qu'ils n'ont aucune preuve sur ce détail qu'ils ont fait. Donc la parole la plus forte, c'est celle de la première. À partir du moment où ça sort, ça sort. Après, il dit Mas'ala khuruj an-nadir min as-sabilayn. Ce qui sort des deux sorties, c'est-à-dire de l'anus et du pénis, il y a des choses rares qui en sortent, qui à la base n'en sortent pas. Comme par exemple, ça ramène une parole de Ibn Qudama dans le Mughni, Mathalan, comme du sang. Comme un verre, comme des cailloux, comme des poils, par exemple. Que tout cela annule l'ozon. À la base, les choses ne sortent pas par là. Mais ça peut arriver. Vous voyez, ça peut arriver. Donc il dit, si ces choses-là, elles sortent, est-ce que cela annule l'ozon ou pas? Quand même. Donc là-dessus, il y a un khilaf. La plupart des savants voient que ça annule l'ozon. Et d'autres voient que non. Et la parole la plus forte, c'est celle justement de ceux qui voient que ça annule l'ozon. Car ça sort par les sabilaines, tout ce qui sort de l'anus, c'est du pénis, ça annule l'odo. C'est la parole de Cheikh Othaymin. Après, Blondir a apporté une précision par rapport au sujet. Il dit qu'à la base, ces choses-là qui sortent, yani, il voit qu'à la base, elles ne sortent pas seules. En général, elles sortent avec justement ce qui sort du pénis, ça va sortir avec de l'urine. Par exemple, les cailloux. Tu parles des cailloux dans les reins, d'après ça des calculs. Ça sort quand en général? Quand tu urines. Un verre, il sort quand en général? Il sort pas tout seul comme ça en général. C'est que tu es aux toilettes. Il sortit avec quelque chose. Donc il dit, fil ra'alim, ça sort avec quelque chose. Donc ce quelque chose annule l'odo. En sortant, ça annule l'odo. Par contre, si ça sort tout seul sec, quand même, lui il voit qu'il n'y a pas l'odo. Il a dit en fait, le khulasa dit que si ça sort tout seul sec, vous voyez, il voit qu'il n'y a pas de dalil que ça annule l'odo. Il voit qu'il n'y a pas de dalil que ça annule l'odo. Mais vraiment, il faut que ça arrive, ça. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui sort avec en général. En tout cas, son kalem revient au kalem du jumhur. Il voit qu'en sortant, ça annule l'odo. Mais il dit, faut regarder, est-ce que ça sortait tout seul ou avec quelque chose. Mais ça, déjà pour regarder, il faut y aller. Et deuxièmement, c'est vraiment des cas extrêmes. Ça, c'est des cas extrêmes, tu vois, c'est des cas extrêmes. On le cite comme ça, c'est des cas extrêmes. Tayyib. Maintenant, Mas'ala surprenante. Khuruj al-rih min dhakar al-rajul ou farj al-mar'a. Qu'un gars sort par le pénis ou par le vagin de la femme. Tu vois. Donc il dit... qui rapporte des carrés de main qui disent cela, ça annule l'odo. Mais, après, tu en as d'autres comme Abu Hanifa, Cheikh Ben Bez, Lajna Daima, Cheikh Othaymin, et c'est une parole que Shamokbi l'aurait également, cela n'annule pas l'odo. Après, Cheikh Ibn Hizam, il dit quoi? Il dit premièrement, il faut savoir une chose. Qu'un homme, on va dire, ait des gaz par son pénis, ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Par contre, la femme, ça a déjà été vu. C'est rare, ça a déjà été vu. Mais cependant, ce n'est pas une chose qui est... voilà qui n'a oulissa bihadathin tabiri. Fa zahir an n'a oulain kud. Wal asad tahara. Ce n'est pas une chose qui est connue, qui est... Pas bien là-bas, c'est naturel, mais c'est pas une chose qui est, on va dire, qui est de base. C'est pas une chose initiale à la base. Donc il voit que ça n'annule pas l'odo, il faudra un dalil. Mais bon, c'est vraiment des cas extrêmement rares. C'est extrêmement rare. Donc à lui, il voit que ça n'annule pas l'odo, et que Shamokbi, il dit que dans le Dersh, j'ai écrit en Ta'aliq, que lui-même a entendu de Shamokbi directement, dans un Dersh, dire qu'il n'avait jamais entendu cela, qu'une femme avait des gaz par devant. Tu vois que ça n'annule pas l'odo. Quand on a lâché une règle marouf, et il est plutôt. Pas que ça arrive jamais, mais que c'est une chose qui n'est pas connue. Et non propagée non plus. Pas une chose courante. Fallait un coup de l'odo. Ça n'est pas l'odo. Pas même. Donc, hasard. Le khulasa du deuxième hadith, qui est le 67e du cours, c'est les gaz. L'épée, ça annule l'odo. Et également l'urine. Et les excréments. Ma foumoun hala, fa ila huna, wa alhamdulillahi rabbil alamin.